Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. C'est Lost in Space sur les ondes du 100 FM de Radioactive à Toulon. Et pour les autres, c'est le www.radio-active.net. Et c'est parti pour ce soir avec une émission plutôt New Wave. Clairement, n'ayons pas peur des mots. On va écouter des vieilleries. Le Fil Rouge, c'est un groupe. Qui a fait d'excellents disques, hein, Fisher Z, dont l'album qui s'appelle Going Deaf for a Living, qui sont un peu perdus sur la fin dans une espèce de pop variétoche, mais on va rester sur le bon et le positif, écouter pas mal de morceaux de leur première époque avec un bassiste assez extraordinaire qui avait des lignes de basse que n'avait rien à envier, en fait, le bassiste de Joe Jackson à la même époque, hein, c'était le même genre de personnage. Et donc, une sélection plutôt new wave avec plein de trucs du même genre. Et c'est parti pour plus de 2 heures jusqu'au passage, en fait, du lundi matin. Allez, à bientôt. C'est parti. street. Kicking cans. Looking at the billboard. Also ran. Summing up the people. Checking out the race. Doing what I'm doing. Feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion. Right is might is tight. Walking, walking in the rain. Come in all you jesters. Enter all you fools. Sit down, no, no. Ogre, ghoul. Trip the light, fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain. Ces deux hommes, Kenneth Baker a fait le choix de rapprocher en tissant des liens. Ces deux hommes, Kenneth Baker a fait le choix de rapprocher en tissant des liens entre leurs itinéraires biographiques et intellectuels, ont en commun d'avoir été témoins des atrocités commises à l'encontre des Juifs de Pologne, d'avoir compris très tôt la spécificité de leur sort et d'avoir refusé de rester silencieux. La clairvoyance de Lemkin a été préparée par des éléments biographiques. Il a été profondément choqué par le génocide arménien de 1915 et les pogroms contre les Juifs ayant eu lieu après la guerre. En 1942, hanté par ces massacres, il voit très vite le risque imminent de répétition. Après la reddition de la Pologne, il quitte son pays et trouve non sans difficulté refuge aux États-Unis, qui restreignent alors drastiquement l'octroi de visa. Tandis que sa famille est massacrée en Europe, il décide de consacrer sa vie à obtenir la reconnaissance juridique du meurtre d'un peuple tout entier. Karski est quant à lui témoin direct de l'anéantissement du monde de Lemkin. À l'été 1942, camouflé et accompagné par deux guides juifs, il se rend dans le ghetto de Varsovie, puis à la gare de triage d'Izbica, où il assiste au spectacle d'un peuple expirant. Il y est témoin de la mort d'êtres humains entassés dans des... Send along you. You came in, met me with a grin. If only you knew. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. You don't speak. I don't know Chinese. I ordered breakfast for one, and you brought me three. My morning call was Arabs in the hall, and you spilled half my tea. But it's alright. It's alright. It's alright. Without moving my clothes, just when I think you're going to turn pink, you say to my surprise, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. From Venus, a ship ran out of gas. Fast as light, love came between us. Fresh girl out of space. I'll never turn you on. Future love. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. It's a right if I love you. It's a right if I don't. I'm not afraid that you run away, guys. I got a feeling high as you well. Supersonic lazy love. I'll never turn it off. Future love. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. All you need is beep, beep. Love. All you need is beep, beep. Love. Love is such a deep, deep feeling. Future love. Future love. Future love. Love is on the rise. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. She landed on my roof. Met a love from Venus. She ran out of gas. Fast as light, love came between us. Flashing girl out of space. I'll never turn it on. All you need is beep, beep. Love. All you need is beep, beep. future love, future love, future love, future love. Future love. Profondément ébranlés par ce qu'ils ont vu, Lemkin et Karski écrivent très vite pour partager la connaissance de ces atrocités et convaincre de la nécessité d'intervenir pour les arrêter. Les bonnes feuilles de leur livre, Axis Rule in Occupied Europe pour le premier et Story of a Secret State pour le second, seront d'ailleurs publiées ensemble plus tard dans le numéro de février 1945 de la Polish Review. C'est par ce biais éditorial que les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés se croisent. Dès 1942, se sont posées à eux des questions similaires. Comment formuler l'impensable pour convaincre? Quel fait retenir pour obtenir l'action des dirigeants des nations alliées? Pouvait-on dire que les Juifs étaient victimes d'un sort particulier? Un témoin non-juif était-il plus crédible pour dénoncer le sort spécifique des Juifs? Ainsi, c'est à Karski, un gentil, que le gouvernement polonais en exil confia la mission d'aller témoigner aux États-Unis, mais aussi certainement en raison de son courage lors de son arrestation par la Gestapo en 1940. Aux États-Unis, tous deux vont cependant être confrontés à ce que Lemkin désigne en 1943 comme une conspiration du silence, une absence complète de réaction qui les laisse dans la plus grande détresse. Paint the bomb. The restaurant has to paint the bomb. dénoncer ses camarades pour échapper à la torture, brûler les cadavres des siens en échange d'un sursis pour soi-même, abandonner son bébé dans sa course dans l'espoir d'échapper aux poursuivants qui veulent vous massacrer. Inutile de multiplier les exemples, trois suffisent à nous installer d'emblée au cœur du malaise. Que serait-on prêt à faire pour survivre en situation extrême ? Est-ce vraiment une question qu'on voudrait se poser ? Qui réfère le chercheur sur un terrain aussi glissant ? Le projet de Jean-Michel Chaumont, professeur de sociologie et philosophie à l'Université catholique de Louvain, reconnaît d'emblée dans « Survivre à tout prix » toutes les difficultés propres à un objet de recherche aussi délicat et se déclare prêt à les assumer au nom de la véritable finalité de cet essai sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes, selon son sous-titre. S'il faut examiner cela, c'est pour nous préparer, être capable de nous prémunir contre la tentation d'y laisser notre âme, si nous devions être confrontés à pareille épreuve. Nous avons perdu les grammaires incitatives ou répressives qui permettaient à nos ancêtres de susciter les dispositions attendues, constate l'auteur. Avec la disqualification des morales de l'honneur, qui imposait la disposition à sacrifier sa vie pour les siens quand les circonstances l'exigeaient, et la banalisation des éthiques de la survie à tout prix, quelque chose s'est perdu dont nous aurions pourtant besoin de retrouver la trace. Tel est l'objectif d'une enquête passionnante, mais non sans risque, entre sociologie, de la morale, histoire et philosophie. I watch. Une précaution méthodologique permet d'ouvrir un dossier aussi difficile. Face aux situations de survie en situation extrême, c'est d'abord à partir des réactions sociales que Chaumont travaille en reconstituant l'évolution des sensibilités morales à partir de l'histoire de la mémoire ou de l'histoire des représentations culturelles. En sociologue, il interroge le soupçon qui a pu se porter sur trois catégories de survivants. Les résistants communistes qui ont survécu à la torture gestapiste, les rescapés des camps nazis et plus particulièrement les juifs affectés aux Sonderkommandos des camps d'extermination, et les femmes ayant survécu à un viol. En dépit de leurs différences majeures, un soupçon comparable a en effet un temps placé ces trois groupes humains sous les feux de la honte. Qu'ont-ils accepté pour survivre ? Chaumont propose de repérer dans ces trois cas le paradigme du combattant défait qui survit à la bataille où tous ses camarades ont péri et à qui la hiérarchie militaire demande des comptes. Survivre, c'est s'exposer aux soupçons de lâcheté ou de trahison. C'est une dérivation de cette éthique guerrière que J.M. Chaumont voit à l'œuvre dans les trois contextes qu'il examine au fil des trois parties de son essai. I hate you, but you hate me. I hate the world, so that makes three. That traffic when they go in the street, because the people like you naturally, leaving me blind to all time and all direction. In your nature, just to irritate me, you lie every time you turn away, and too naive to be so petty. You're only choosing what you're gonna say. In the middle of the night, she calls me, and all I know is patience and love for you. Pull me up into the sky when she asks me, what am I gonna do? What am I gonna do? Yeah. Le premier terrain d'enquête concerne les résistants communistes sortis vivants des chambres de torture gestapistes. À partir des archives du Parti communiste belge, Chaumont a pu exploiter, en garantissant leur anonymat, une centaine de comptes rendus d'auditions de résistants communistes belges interrogés en 1945 à leur retour du camp de Bridank. À leur libération, tous les militants ont subi un interrogatoire auquel leur réintégration dans les structures du parti était conditionnée. Comment s'était-il comporté sous la torture? Ou plus exactement, comment avaient-ils pu en sortir vivants? Suspects pour leur propre organisation, ces militants qui avaient tant souffert se sont livrés avec sincérité car ils trouvaient normal qu'on leur demande des comptes. L'engagement du militant communiste dans la résistance reposait sur une morale de l'honneur, unanimement partagée au sein du groupe qui imposait la disposition à sacrifier sa vie pour ne pas trahir son camp. Chanson, c'est notre dernière, s'appelle Attaque. Et tu peux chanter avec nous, tu sais, parce que c'est en français, ça s'appelle Putain. C'est franchement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Allez. Thank you. trees are red. No one ever dies there. No one has a head. Seven stars that shine after 3:30 in the morning. Well, she is it. She came from planet Claire. She came from planet Claire. She came from planet Ce premier terrain d'étude permet de caractériser l'honneur comme ce qui assume la fonction de garantir in extremis la survie d'un groupe menacé. La typologie proposée par Chaumont répartit ainsi les témoignages des militants communistes en plusieurs catégories. Il y a les incorruptibles qui ont tenu bon sous la torture sans livrer la moindre information, les pénitents soumis à une période probatoire dont ils reconnaissent le bien fondé, les déshonorés qui ont sacrifié leur honneur à leur survie. Et il y a les dévergondés, ceux qui, sous la pression, ont non seulement trahi, mais renoncé définitivement à toute vergogne, allant même jusqu'à encourager à leur tour d'autres camarades torturés à trahir aussi. À travers cette dernière catégorie se forge ce concept de dévergondage dont l'auteur va faire un large usage dans le reste du livre, privilégiant le sens littéral de ce terme en dépit de connotations frivoles qu'il ne semble étrangement pas percevoir. No one's La deuxième partie du livre s'intéresse aux rescapés juifs des camps nazis pour examiner si la morale de l'honneur a pu également jouer un rôle dans les perceptions morales dont ils font l'objet. Renouant avec le propos de son premier livre, La concurrence des victimes, paru il y a 20 ans, Chaumont rappelle que les accusations de lâcheté et de trahison ont longtemps prévalu à l'égard des victimes juives du nazisme et qu'il a fallu l'intense activité déployée par les milieux de mémoire juifs pour démentir cette vision à la fin des années 60. You have a right to be here tonight. You have a right to get drunk out of spite. You have a right to do anything you like. But no right, oh, no right to say that you love. You look that you love me. Fêlure irrecevable qui se désarme et face à cette douceur du soir mélancolique. Les ombres exténuées se sentent à nouveau traquées, elles fuient. Plus rien ne se distingue de ce tournoiement affolé, déroulé des images brassées de leurs œuvres s'engloutissent dans un naufrage où seul demeure la voix des espoirs. Puissance sans forme, déchéance totale de son corps. Elle oublie, la jouissance s'éclaire, elle en oublie son infirmité, elle vit. L'incidente menace devient faite, le départ est de nouveau oublié. Le système capitaliste, ce sont les producteurs à l'écart des marchés de masse, mais alors à prix très haut, qui, par exemple, fournissent la restauration gastronomique, laquelle est elle-même prise dans la tenaille de la dette pour ces installations et, par la même logique des fournisseurs de qualité, meubles, vaisselle, etc., qui, dans le capitalisme, prend la forme du prix élevé. Et toujours selon l'adage capitaliste par excellence, la qualité, ça se paie. Or, il n'en est rien. La qualité n'a pas à se payer. Le capitalisme nous a mis dans la tête que la qualité se liait nécessairement à la quantité d'argent, faute de quoi nous n'aurions accès qu'à la camelote. C'est un mensonge. La qualité vient avec les conditions faites aux gens pour les laisser produire comme ils l'entendent, c'est-à-dire sans que leur survie en dépende. Thank you. telegrams, but you haven't answered one. Your mother told me I best leave you all alone. I hope you're satisfied. Now you've done this thing to me. I hope you're pleased with what you've done. About the tubes, no time for waves. Let's talk about those boobs. You just can't miss her when she's coming your way. Just how big they are, it's hard to say. We want to get to know her, but there's hardly any room. Everybody wants to see bazooms. Hey! Too big for her top.